ma faute. J'aurais dû l'aimer comme on est une enfant. Si, si je l'avais aimée, elle serait encore là. Ce matin-là, une fille s'est tuée. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait pu faire ça pour moi. Non, non, non, non. Non, non, non, non.